Mais je suis tombé sur des articles fort intéressants. C'est pas étonnant que Moscou a implanté des taupes dans les services secrets d'espionnage des pays occidentaux. C'est à la CIA, MI6, etc. Mais j'ai fait des recherches et j'ai découvert que beaucoup, beaucoup de taupes étaient installées par Moscou, non pas dans les services d'espions ennemis, mais dans les universités occidentales. Dans les années 70-60, ils ont beaucoup, beaucoup infiltré à Cambridge, à Oxford, en France, aux États-Unis. Il y avait des profs d'université, puis il y en a plusieurs qui sont faits pogner, notamment une grosse cellule à Cambridge, à Oxford aussi, qui sont des universités britanniques prestigieuses. Mais tu sais, je me posais la question, en même temps, les articles là-dessus disent, ça c'est sûr qu'on a pogné. C'est clair que Moscou en avait envoyé plus que ça. Et les gens qui ont analysé le phénomène en sont venus à une conclusion. Et là, avant de me répondre, Butch, t'es loin de nous autres un matin, là. On va se rapprocher pas à peu près tantôt. Tantôt, on va être à l'Université Laval. Un pogné de quoi? Moi, j'ai découvert de quoi que je savais pas. Alors, dans ces universités-là, le rôle des espions, c'était pas de savoir le secret nécessairement de la bombe atomique, là. Ils étaient à l'université. C'était pas nécessairement de savoir qui étaient les taupes, mettons, de la CIA ou, tu sais, ou des secrets militaires. C'était d'infiltrer et d'influencer la pensée. Ils envoyaient des communistes dans les universités qui étaient payés par Moscou, le KGB, pour envoyer des idées de gauche. Et il y a plusieurs auteurs qui pensent que c'est à cause de ça que plusieurs universités en France, en Angleterre, etc., sont tout le temps à gauche. Il y a eu une grosse influence. Il y en a plus aujourd'hui. On manipulait finalement la future élite. Là. L'opinion de la future élite. Il y en a plus aujourd'hui. Là. C'est sûr que nos profs d'université actuelle, c'est pas des taupes. Mais ils ont peut-être une taupe comme prof. Regarde ce qu'un auteur a écrit que je trouvais intéressant, c'est dans le journal Le Figaro. Ils furent des dizaines à tous les carrefours de l'enseignement supérieur. Ils ont influencé les élites en faveur non seulement du socialisme et de la gauche, mais surtout des crimes qui ont été commis en son nom. Comme en France, et avec les mêmes méthodes, ces agents ont organisé une bien-pensance qui dure encore. Maudit que ça me fait penser au Québec. C'est elle qui exonère, par exemple, la révolution communiste de ses innombrables crimes et qui interdit que l'on parle de génocide. Ce sont des élèves sous influence qui ont été devant eux. C'est un fait que si t'as été nazi dans ton passé ou t'as eu des sympathies nazies, t'es fait. Parlez-en à Jean-Louis Roux, le célèbre comédien québécois qui a été nommé lieutenant-gouverneur. On a découvert que jeune, il y avait une svastika, le symbole nazi, la croix gammée, sur son sarrau d'étudiant de chimie. Il a été mis dehors. Or, Gilles Duceppe a été un membre du Parti communiste avoué. Françoise David a milité dans sa jeunesse pour les communistes. Même, faut regarder dans tous les camps, même Alain Dubuc de La Presse. À un moment donné, ça a été un maoïste, à moins que je ne m'abuse. Je suis pas en train de dire qu'il faut mettre ces gens-là dehors. Je suis pas en train de dire que ces gens-là auraient pas pu exercer leur profession, puis faire de la politique, puis regarde, même Dubuc est rendu à droite. Fait que je fais juste vous démontrer un certain deux poids, deux mesures. Que si même si c'est dans ton enfance ou ton adolescence, tes erreurs de jeunesse, on ne pardonne pas une sympathie nazie. Or, des gens qui ont milité dans le Parti communiste, qui a fait en passant beaucoup plus de morts que le parti nazi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les historiens sont unanimes. Ça, on pardonne. On fait peut-être bien de pardonner aussi là, ce que Gilles Duceppe pensait à 20 ans, ce que Françoise David a fait dans sa jeunesse. Moi, gars, je pense qu'il faut juger les gens sur leurs idées actuelles, pour ou contre. Mais il y a un deux poids, deux mesures. Et selon des gens, dans les universités, tout ce qui est à gauche a été pardonné plus facilement. Ils ont essayé d'influencer la pensée des gens. Fait que là, je lisais ça, mais ça ressemble au Québec. Au Québec aussi, il y a une police de la pensée qui est très à gauche, je la dénonce souvent. Mais là, ça se peut pas, là. Les espions soviétiques, ils étaient à Cambridge, à Oxford, ils étaient peut-être aux États-Unis, il y en a eu en France, sûrement pas au Québec. Mais pour le fun, je google ça. Espions soviétiques plus Université Laval. Enter. Je suis tombé sur un reportage du Point. De 1983. Alors, moi, j'étais trop jeune, m'en souviens pas. Alors, pour certains, là, ce que je vais faire entendre, c'est peut-être une vieille nouvelle. Mais il y en avait un. C'est-à-dire que, il y en ont pogné un. Écoute bien le reportage du Point. 1983, tu savais de ça? Non, je ne savais pas. Il y avait un espion du KGB à l'Université Laval. 10 ans de prison pour 30 ans au service du KGB. George Hugh Hamilton, professeur d'économie à l'Université Laval de Québec, était aussi un agent soviétique de calibre international. Tout a commencé en 1949. Lors d'une soirée mondaine dans la résidence familiale à Ottawa, Hambleton rencontre Vladimir Borodine, attaché culturel à l'ambassade soviétique. 1956, il travaille à l'OTAN, à Paris. Il transmet ses premiers documents au KGB. En 5 ans, il aurait remis aux soviétiques au moins 80 documents, dont plusieurs top secrets. 1975, Hambleton aurait rencontré à Moscou le chef du KGB, Yuri Andropov. Novembre 1979, la GRC perquisitionne le domicile et le bureau du professeur de Laval. Juin 1982, le professeur Hambleton est arrêté à Londres. Alors, tu sais, il est arrêté en 82, là. Il y avait un espion du KGB à Laval. Non, pas ni un. Peux-tu penser qu'il y en a plus qu'un? Est-ce qu'il y en a eu dans les universités à Montréal? Je sais pas, je vais pas pousser plus loin mes recherches. Ça remonte à longtemps. Le KGB, c'est fini. La Russie est notre allié. Tu sais, mais en France et en Angleterre, sachez qu'il y a des gens qui pensent que l'infiltration communiste dans les universités a pu avoir une influence sur la pensée, sur l'élite. On sait bien que c'est pas tout le monde qui va à l'université, mais l'élite. Tu sais, moi, je me suis tellement demandé souvent, moi, ça se fait, exemple, qu'à Montréal, tout le monde semble être à gauche. Les universités sont toutes à gauche. Regarde, même à Laval, c'est à gauche. Pendant la crise étudiante, les professeurs étaient dans la rue avec les élèves, là, avec les étudiants. Ben, ça se fait. Ça se peut-tu que on ait installé, dans les années 60-70, une petite Bible. La Bible socialiste, pas nécessairement communiste, ça c'est plus radical, mais socialiste, mais tu sais quand même, à gauche, ça se peut-tu qu'il y a eu de l'infiltration, puis qu'à un moment donné, ça paraît dans la dans le débat public. Tu sais, c'est pas, c'est, autrement dit, c'est pas nouveau qu'on s'interroge là sur certains penchants à gauche de la société québécoise. Tout en faisant mes recherches, j'ai découvert ça aussi. On va te lire un petit texte qu'un historien célèbre a écrit. J'aimerais ça que tu me dises, il l'a écrit en quelle année. Plus, c'est juste ça que je veux savoir. Le réseau gauchiste, œuvrant par le biais de rassemblements, exerce son influence particulièrement au sein de Radio-Canada. Tous ses ascendants réussirent un noyautage de la pensée au Québec par la gauche. À Radio-Canada, les gauchistes sont les bienvenus. Lorsqu'un homme de droite est invité, il sera toujours flanqué de 2 gauchistes et l'animateur de gauche fera pencher la balance. Qui a écrit ça? Là, on est loin des universités et des espions, là, mais je parle encore d'une certaine infiltration de la gauche. Qui a écrit ça et quand? Parce que moi, je me... C'est encore actuel, en tout cas. Le dernier débat à RDI que je vous ai fait jouer sur l'attentat aux Métropolis, il y avait un gars de l'UQAM, gauchiste, l'Institut du Nouveau Monde, gauchiste, puis il y avait un anglophone. Il y avait Anne-Marie Dussault au travail. 2 gauchistes. Les 2 gauchistes ont fait quoi, tu penses? À la faute de la radio poubelle à Québec. Le gars de l'Institut du Nouveau Monde a dit ça. Le gars de l'UQAM était d'accord. Anne-Marie Dussault semblait d'accord. Puis il y avait un anglophone dans la gang. Ça correspond-tu à ce que je viens de vous lire? C'est souvent ça, Radio-Can. Un gars de droite entouré de gauchistes, puis l'animateur qui Mais regarde, tout le monde en parle, tu sais. Ben, tout le monde en parle. 2 gauchistes. De temps en temps, il y a un gars de droite comme Mario Dumont qui s'en va là, puis on y fait un job. On le job met de pas bras. Puis le go, etc. Sais-tu en quelle année ça a été écrit et par qui? En 1956, par l'historien Robert Rumini. Plus ça change, plus c'est pareil.